수누미누리째 Bienvenue à la première émission de Sono Minorité, un projet culturel sorti dans les centres universitaires d'enseignement de français pour étudiants étrangers, à l'Université François Rabelais de Tours. Galice est un territoire situé au nord-ouest de l'Espagne, juste au nord du Portugal. Le climat océanique est d'une surface similaire à la Belgique. Le galicien est une langue romane, sœur du portugais. En fait, la même langue jusqu'au Moyen-Âge, jusqu'à l'apparition du royaume du Portugal. À partir de ce moment, le galicien se rapproche de l'espagnol au niveau de la prononciation et de l'orthographe. Aujourd'hui, il existe un courant réintégrationniste qui propose de revenir aux origines et de considérer le galicien comme un dialecte du portugais, et d'écrire et prononcer le galicien à la portugaise. Actuellement, le galicien est la langue officielle aux côtés de l'espagnol dans l'actuelle communauté autonome de Galice, et sans avoir un statut officiel dans d'autres zones proches. Il y a aujourd'hui entre 3,5 et 4 millions de locuteurs du galicien dans le monde, si on considère la diaspora. Galicien a été toujours présent dans la musique folklorique et c'est ce type de musique qui l'a fait connaître sur les scènes internationales avec des groupes comme Milla Doiro ou des musiciens comme Carlos Núñez. Era una noite de lua, era una noite clara, eu passava polo rio da volta da muinada. Topei una lavanda que lavaba o par da agua e la lavaba no río e una cantiga cantaba. Moza que eres no muiño, moza que vas pola estrada, axuda a mare torcer, miña sabana lavada. folk galicien continue à être en bonne santé et on peut constater une revalorisation des formations traditionnelles comme les pandereteiras, ensemble beaucoup de femmes qui jouent aussi de la pandeireta et qui actuellement expérimentent aussi avec d'autres types de musique. On écoute Faltriqueira. Luarna Lubré est un des groupes les plus connus hors de Galice, en constante évolution dans la musique traditionnelle. Has de veros pequeños levantó. Berrogueto, grup formé per d'ancien membre du grup disparu Mato Congrio, o Carlos Núñez Llué, est aussi un des groupes les plus populaires dans cet style. On les écoute ici avec la participation de Anubia. La popularité des musiciens comme Carlos Núñez a permis à d'autres musiciens solistes de réussir. C'est le cas de José Manuel Budiño, Susana Seyobane ou Cristina Pato, qu'on écoute tout de suite. Inovites. De Omen se un formación de Santiago de Compostela qui practique un power pop fresh et c'est actuellement un des groupes qui a le plus d'activité sur la scène galicienne. Hip-hop est aussi présent sur la scène, avec des groupes comme Ostrasnos de Moscoso ou Dios que te cru, qui était le premier groupe de cet style à enregistrer un album. Somos herdeiros d'una dictadura cultural, fomos as víctimas d'un ataque brutal. Contra o noso, a lingua mantivemola calando yo cacique, falando pedo lume, só a lingua vai se a pique. Pues toma, escoítanos, non nos calaremos nin de broma. En galego, noche mola, hecho que hay. Paco Vázquez, eres un julai. No jodas con Arteijo, Rianjo, Sanjenjo, Pipero, La Guardia, Órdenes, Buen Muerto, Puerto Sin, Puerto Son. Dime cuántos son. Son 1, 2, 3, 4, 5, 600 años de represión. Contra un oso, Alico, vais a pique. Dime cuántos son. Son puta, pues toma. Contra un oso, vais a pique. Dime cuántos son. Son contra un oso, vais a pique. Pues toma, contra un oso, vais a pique. Vais a pique. Pues toma, toma. On va écouter maintenant la fusion de styles dans des formations comme La Matumba ou Som d'Oralpom. Les premières, un groupe avec un parcours depuis les fins des années 90 et les secondes plus récents avec une popularité croissante. se tela de moitas colores, que deixe pasar o sol para rodearte de flores, que deixe pasar o sol para rodearte de flores. Eu non quero un paraguas, non o quero, eu quero un chubasqueiro amarelo. Eu non quero un paraguas, non o quero, eu quero un chubasqueiro amarelo. Eu non quero un paraguas, non o quero, eu quero un chubasqueiro amarelo. Eu non quero un paraguas, non o quero, non, non quero, non quero, non. Fume comprar un paraguas a un estando da vila, fume comprar un paraguas toda noite que chovía. Fume comprar un paraguas a un estando da vila, é que vos estaba tía que atendía. Fume comprar un paraguas a un estando da vila, fume comprar un paraguas toda noite que chovía. Fume comprar un paraguas a un estando da vila, é que vos estaba tía que atendía. Na cama, fundida na almofada. Na cama, fundida na almofada. Na cama, fundida na almofada. Fico na farra, pá, não queres fazer nada. Na cama, fundida na almofada. Na cama, fundida na almofada. Na cama, fundida na almofada. Fico na farra, pá, não queres fazer nada. Passa a vida inteira tirado no sofá, perdendo a noção da alarma que sonou. Deixa que o tempo passe, deitado no colchão da tua habitação. Sem madrugar, prefieres pensar que o tempo se detemente se esté dormido. Irá todo muy bien, sin ter que temer. Un curro que no gusta, llegar a fin de mes. Escapo do trabajo, tenanche controlado. Pecado ter preguiza, no quieres trabajar. O teu profundo sono como modo de vida sin escoitar. A broca do teu chef, os berros dos pais. Tanta pregunta tonta, a 7 da mañá. E ti sen ganas, o pides paz. E ti sen ganas, o pides paz. Nada que ganar, todo por perder. A man de obra sobra, nas estado inén. Podíanos pagar, por ir pásalo ben ou non. E ti que crees, e ti que crees. Sen ataduras, sen amarguras, sen aturar o malestar que día a día provoca no teu corpo o ter que se xa. Provoca no teu corpo o ter que se xa. Co ben que estás na cama, da que da realidade escapa. Ca porta do cuarto pechada, mellor estar dormindo, descansa. Que ser morto en vida la caza. Na cama, na cama, na cama. Hacer nada. La cama, fundido en almofada. La cama, fundido en almofada. tatuador girl secando algo no se fai. O siento aliciente, persigues un fin. Ficar fumado lendo os contos de Tintín. Pregunta por mí, ti dices que non vou mamá. Estou magoado, non poderei curar máis. Aprecio o parcer de despreciar os cartos. Rotando pernas soltas, soltando babas nas abas. Serán as tres que ven, safando das tarefas que queren impoñerte. Tes medo a sair cedo da tua casa. Para que che pregunte, estudas ou traballas. Para que che pregunte, estudas ou traballas. Que con a farrapar non queres facer nada. Admiras unha vida que se xa regalada. Sen as obrigas da monotonía laboral. Mantente firme como os zombies de Thriller bailando Michael Jackson. Os anos pasan a presa que as presas do traballo. Os anos pasan a presa que as presas do traballo. Na cama, fundido na almofada. Na cama, fundido na almofada. Na cama, fundido na almofada. Que con a farrapar non queres facer nada. Na cama, fundido na almofada. Toñito de Poi e Rasa Loba selen o bo grup de Toñito de Poi, ancian membre de Heredeiros da Cruz, un grup tre célebre dans les années 90. Tallar un diamante 45 quilates. Lesa de palmeira está chea de diamantes. Lesa todo é mentira. Nen ouro brilla, nen mellor economía. Ouro é mesmo preto. E a merda no mar ten documentos. O cabo do mundo é un mundo que alumbra mar adentro para marcar noso rumbo. Que limpe dunha forma total a praia sin vixillas pola puta Petrogal. Ponto a lisa de palmeira onde trocan diamantes por garrafas de cerveza. Son más entero Fernando, un poquinho a pé, o resto camiñando. Busco palmeiras en Lesa. Busco palmeiras en Lesa. Busco palmeiras en Lesa. Busco que este chico no me foda la cabeza. Busco palmeiras en Lesa. Diamantes, un gang, unha gata e pirañas gigantes. 45 xogadores ao redor dunha mesa de billar de fumadores. E dúas velas meninas que che poñen con amor. 45 amedoís, o señor comandante que me acolle en nosa casa como se fos adiante. Ainda son un carbón o corazón e humildade de estudiante. Teña por seguro comandante que algún día serei un diamante. Volto a lesa de palmeira onde trocan diamantes por garrafas de cerveza. Son a estrela de Galiza na morena Superboc. Unha noite con Leticia. Busco palmeiras en Lesa. Busco palmeiras en Lesa. Busco palmeiras en Lesa. Busco que este chego no me poda a cabeza. Busco palmeiras en Lesa. scène électronique galicienne et varient en styles, principalement instrumentaux. Collectif Oruga, Fusquenla, Unada, qu'on écoute. Sono, Mino, Rite. L'influence de la musique traditionnelle est évidente souvent aussi dans des formations électroniques comme Projecto Trepia, qui fusionne ancienne et nouvelle musique. Yeah. Projecte Mourente est le projet personnel de Carlos Valcárcel, originaire d'un village qui s'appelle précisément Mourente. Depuis 2001, il encourage la scène du pop électronique avec sa musique. Alexander, duo formé à Santiago de Compostela en 2006, est actuellement un groupe apprécié sur la scène indépendante, sur le point de sortir son troisième album. A la candébora, mozo, una rosa no cumplido, un ver una nena guapa, filla de llanto despidos. A la candébora, mozo, tiene rosa no cumplido, un ver una nena guapa, filla de llanto despidos. A la candébora, mozo, tiene dos años cumplido, un ver una nena guapa, filla de llanto despidos. Eu levaba un pau tan grande como un fungueiro de un carro, un azúcar de chinela fumando en un gran cigarro. Entre de ya por noite saio camo y apurado, rasgo un calzón de estrella e mais tiro me deitado. Saio a bella da casa, foche bon milagre home, este can eche escollido, carne mala non a come. A rapaza non estaba, disque ia un peixinho, saio para esperala. no al bollo de un vicio. Pero canta feo como a cabeza un sapo. Arrastró me por la lama, mismo que se fuera un trapo. A la canela ver una nena guapa, pasan ver una nena guapa. Sin ver una niña guapa, ya dejando los despidos. Debo sentir tal barullo de chillazo, cachinelas. E pra que non me pillasen, dei concebo as canelas. Un avellano camiño que pensando ben non creio. Pego me tres bofetadas dicindo que era monstreio. Miña mai entrar na casa, fixome unhas boas sopas. Canto mas 40 en bastos e tamén a 20 en copas. E meu pai que estaba cerca pra cantarme ben as moas. Deume sete bofetadas encima de mel filoas. A rapaza non estaba, diz que ia nun baixinho. Sai para esperar no albollo dun vicinho. Sai o outro canta feo como a cabeza dun sapo. Arrastroume pola lama, mesmo que se for un trapo. A la candela ver unha nena guapa, pasan ver unha nena guapa. Bon, nous sommes arrivés à la fin de cette émission, la première de ces projets culturels, et j'espère que ça vous a plu. Vous pouvez trouver plus d'informations sur les groupes et nous contacter à travers le site web sono.mino.rite.online.fr. N'hésitez pas à nous laisser un commentaire. À bientôt!